بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Donc, Inch'Allah, on est parti pour la partie 2 de l'explication des noms d'Allah de Cheikh Abdelrahman Saadi. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire les noms Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Badr. البر pardon, الكريم الجواد الوهاب والرؤوف. Donc on va commencer par الرحمن. الرحمن qui signifie le miséricordieux envers toute la création. الرحيم le miséricordieux envers ses serviteurs. البر le bon. الكريم le généreux. الجواد le très généreux. الوهاب le grand donateur. Et الرؤوف le compatissant. Le compatissant. Ces nobles noms ont des significations proches. Ils dénotent tout ce qu'Allah a pour qualité, la perfection de la clémence, l'infinie bonté et la grande générosité et pitié. Ainsi donc, tous les avantages, plaisirs et bienfaits dont jouissent les mondes célestes et terrestres proviennent d'Allah, de sa miséricorde, sa bonté, son immense générosité. Également, tous les désagréments, malheurs, craintes, dangers, et autre nuisance qui leur a épargné, cela est grâce à sa miséricorde et sa bonté. En effet, celui peut produire le bonheur, celui peut débarrasser du malheur. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. On l'a remarqué à travers la création d'Allah, cela est indéniable. Elle a même comblé le ciel et la terre. Elle comble également les cœurs de créatures si bien qu'elles éprouvent de la pitié envers les autres. Et ce, grâce à la miséricorde dont Allah les a recouverts, et dans leur cœur furent les réceptacles. Même les bêtes ont pitié de leurs petits alors qu'elles n'espèrent en tirer aucun profit, ni présent ni à venir. On peut observer à travers cette clémence, cette tendresse des animaux envers leurs petits des indices de tout le soin et de l'infinie miséricorde de leur Créateur. Ces dents englobent les habitants des cieux et de la terre. Il a mis à leur disposition tout ce qu'il peut leur être utile, leur permettre de vivre, faisant en sorte que ces moyens soient liés à des causes qui restent à portée de main et des voies faciles à emprunter. Allah prend donc en charge tout être vivant sur cette planète, ici où il séjourne, provisoirement ou définitivement. Allah connaît mieux que ses créatures leur propre intérêt. Il leur a prédéterminé certains qu'ils n'avaient pas voulu ni prévu. Souvent, il leur fait subir des désagréments leur permettant d'atteindre ce qu'ils désirent. Subhanallah. Les malheurs et les souffrances sont même une pitié de sa part. Celles-ci sont toutes à l'avantage du croyant qui adopte l'attitude adéquate en s'armant de patience. Le croyant nous étonnera toujours. Ce qui lui arrive est toujours à son avantage. S'il s'agit d'un bonheur, il se montre reconnaissant, ce qui est à son avantage. Et lorsqu'il s'agit d'un malheur, il s'arme de patience, ce qui est également à son avantage. Cela n'arrive qu'aux croyants. Hadith rapporté par Muslim, d'après Shu'aib, rahimahullah. Il se peut bien que vous détestiez une situation alors qu'en fait, elle est à votre avantage. Contrairement à vous, Allah sait. Sa miséricorde se manifeste également à travers ses ordres et sa loi. Cela saute aux yeux. Et les esprits le perçoivent. Ceux qui jouissent d'un cœur vivant le reconnaissent. La loi d'Allah est lumière et miséricorde, elle guide nos pas. Il a fait en sorte que ces lois instaurées regorgent de clémence et mènent à l'ultime miséricorde plus grande et bonheur, à la joie la plus profonde. Les nombreuses facilités et autres accommodements dont Allah a doté sa loi montrent clairement l'ampleur de sa miséricorde et de sa générosité. Tous les interdits qu'il a fixés sont également une marque de pitié envers les gens, car cela permet de protéger leur religion, leur raison, leur bonheur, leur honneur, leur corps, leurs bonnes manières et leurs richesses. Toutes les interdictions sont relatives à ces catégories. De plus, Allah a mis les devoirs religieux à la portée de ses esclaves, car par des voies relevant de la religion ou de la prédestination. Il nous aide à les mettre en pratique. Cela montre bien à quel point il est clément. Pareillement, il a entouré ses interdits de toutes sortes d'obstacles qui en barrant l'accès, sauf dans le cas où le pécheur est un rebelle dont il n'y a plus rien de bon à tirer. Allah a également instauré différentes peines qui dissuadent les gens de commettre ces interdits et permet de réduire la criminalité de manière considérable. Disons de manière générale que la loi et les ordres d'Allah descendirent accompagnés de clémence, débordant de pitié de manière à permettre l'accès à l'éternelle miséricorde, à l'infini bonheur. On passe au nom Al-Khaliq, le Créateur, Al-Bari, celui qui donne commencement à toute chose, et Al-Musawwir, celui qui formate. C'est-à-dire qu'il est le seul à avoir créé toutes les créatures. À la perfection, il a fait que toute chose soit. Il a réalisé avec perfection et beauté tout ce qui existe. Il les a créés sans modèle précédent au moment adéquat, selon les meilleurs critères de la manière la plus parfaite. Allah a montré aux créatures tout ce qui était dans leurs intérêts. Il a donné à chacun l'aspect qui lui convient le mieux, puis l'a orienté vers le but pour lequel elle fut créée. Puisqu'Allah est le seul créateur, il ne partage cette qualité avec personne. Il est donc la divinité qui est légitimement adorée et seul lui mérite cette adoration. Allah a créé les essences, les actes et les qualités. Il est celui qui guide ceux qu'il veut, tout comme il égare ceux qu'il veut. C'est également lui qui fait en sorte qu'il y ait des croyants et des mécréants, sans pour autant forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Le caractère général de sa qualité de créateur réfute la thèse des Qadarites. En fait, de peur de nier le libre arbitre, ces derniers affirment que les actes réalisés par les gens, leur obéissance et leur péché ne sont pas inclus dans la création et la prédétermination divine. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la perfection d'Allah et la perfection de son pouvoir ne font pas obstacle au libre arbitre et qu'il est tout à fait capable de faire en sorte que l'homme réalise ce qu'il a choisi de faire conformément à la prédestination et à la volonté divine. Allah est bien trop grand pour forcer les gens à faire quoi que ce soit, bien trop juste pour les opprimer. Ce sont donc bien les gens qui veulent et choisissent. Et c'est Allah qui a fait en sorte que cela ait lieu. Leur volonté et leur pouvoir dépendent de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, « لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ » وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ce qui signifie, pour celui d'entre vous qui souhaite suivre le droit chemin, mais vous ne le souhaiterez que si Allah le veut, le Seigneur de l'univers. Surat At-Takwir, verset 28-29. On passe maintenant, Inch'Allah, au nom Al-Aziz, le puissant, Al-Jabbar, le contraignant, Al-Mutakabbir, l'imposant, Al-Qahhar, le dominateur, Al-Qawi, le fort, Al-Matin, l'inébranlable. Al-Aziz est celui qui réunit toutes les significations de la Izza. Allah dit dans le Coran, Inna al-Izzata lillahi jami'a. La Izza tout entière appartient à Allah, Surat Yunus, verset 65. Allah est donc Al-Aziz, car sa puissance est parfaite. Cela concerne ici la Izza, signifiant la puissance. Les noms Al-Qawi ou Al-Matin sont relatifs à cette notion. La Izz a également le sens d'invincibilité et signifie être hors de portée, loin d'être atteint par le mal ou le bien provenant de ses esclaves, loin de tout défaut qui ne convient pas à son importance, à sa majesté, loin de tout ce qui va à l'encontre de sa perfection. Le terme Al-Mutakabbir rejoint ce sens. En plus du fait que ce nom dénote la parfaite imposance et l'ultime grandeur, en plus donc de la notion précédemment citée à savoir qu'Allah est bien au-dessus de tout ce qui ne convient pas à son imposance et à sa grande majesté, le troisième sens de la Izza est la domination, qualité dénotée par le nom Al-Qahhar, celui qui domine par son pouvoir toutes les créatures, tout ce qui existe lui est assujetti. Les êtres vivants sont tous à sa merci. Les affaires du royaume sont entre ses mains. Le pouvoir lui appartient. Ce qu'il veut se réalise et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Les mondes célestes et terrestres et les imposantes créatures qu'ils contiennent sont tous soumis à leur maître et régent. Cela se manifeste à travers chacun de leurs mouvements et à travers les choix qu'elles sont amenées à faire. Elles ne décident de rien. Elle ne décrète aucune loi, c'est en fait à Allah qu'il appartient de décider. Les lois relatives à la religion, à la prédestination et à la rétribution lui appartiennent toutes. L'unique juge c'est lui, le seul seigneur c'est lui, l'unique Dieu adoré en droit c'est lui. La Izza, dans le sens de domination, est une des significations dénotées par Al-Jabbar. Ce nom dénote également qu'Allah est le haut, le plus haut, celui qui est montré sur le trône, qui possède le pouvoir et qui s'est rendu maître de toutes les formes d'autorité. Al-Jabbar inclut notamment la notion de fine pitié. Allah est ainsi celui qui réduit, yajbur, les brisures de l'âme, enrichit le pauvre, soulage les souffrances. Il ranime particulièrement les cœurs qui se brisent devant sa majesté, qui se montrent humbles devant sa perfection, qui espèrent obtenir ses faveurs. Et ce, en y déversant un torrent d'amour, un flot de connaissances et de lumière divine, leur permettant de voir clair, d'être affermis et de réussir. On passe maintenant au nom Al-Malik, le roi. Al-Malik lil-Mulk, celui qui détient la royauté. C'est-à-dire qu'Allah est celui qui possède toutes les grandes qualités réservées au roi des rois, telles que la perfection de la force, de la puissance et du pouvoir, telles que l'omniscience, la parfaite sagesse, l'inéluctable réalisation de la volonté, la perfection de la gestion, la pleine miséricorde, ainsi que le pouvoir absolu appliqué au monde céleste et terrestre, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le pouvoir absolu relatif à trois sortes de lois qui concernent tout ce qui existe. Les lois relatives à la prédestination, c'est-à-dire que tout ce qui se déroule suite à la prédestination, toute création ou annihilation, la vie donnée ou reprise, les éléments permettant de se perdurer, tout cela se réalise conformément à son décret et à sa prédétermination. Les lois relatives à la religion, c'est-à-dire que pour ces lois, Allah a dépêché ses messagers, descendu ses livres, instauré ses règles et créé les êtres. Il a ordonné à ses créatures de se conformer à sa législation pour ce qui est de la doctrine, des bonnes manières, du langage des actes, dans le fond et la forme. Allah leur a également défendu de transgresser cette loi religieuse. Il leur a appris que toute loi allant à l'encontre de la sienne était nuisible et relevait de l'ignorance, qu'elle appartenait aux lois tyranniques. Les lois relatives à la rétribution. Elles concernent la rétribution relative aux actes, bons ou mauvais, sur terre et dans la vie future. Cela concerne donc la récompense accordée à ceux qui obéissent et la punition réservée aux autres. Toutes ces lois découlent et dépendent de sa justice, de sa parfaite sagesse et des qualités pour lesquelles il mérite les louanges. Ces attributs sont tous relatifs à sa beauté. Celle-ci dénote également que tout ce qui existe et sa propriété. Les créatures sont toutes ses esclaves, ils dépendent entièrement de lui. Rien ne pourrait échapper à sa royauté, aucune créature ne pourrait se dispenser de la création et des soins provenant d'Allah, ni de ses faveurs ou de sa protection. La royauté d'Allah inclut également le fait qu'il descende ses livres et dépêche ses messagers. Le fait qu'il montre au monde la voie à emprunter, qu'il guide les pas perdus, qu'il établisse clairement les arguments accablant les rebelles entêtés. Cela inclut également qu'Allah récompense et punisse de la manière la plus juste et qu'il agisse de manière adaptée à ce qu'exige chaque situation. Cette royauté signifie notamment qu'Allah réalise tous les jours quelque chose d'important tel que pardonner un péché, permettre un heureux dénouement, dissiper un souci, alléger un fardeau, porter secours, réconforter un cœur peiné, combler un besoin, guider des pas égarés, abandonner ceux qui s'obstinent à lui tourner le dos, accorder la victoire à un peuple et humilier un autre, élever des gens et en rabaisser d'autres, ou encore modifier le cours de certains éléments en particulier parmi d'autres alors qu'ils répondent tous à la même logique. Tout cela afin que les gens reconnaissent la perfection de la royauté d'Allah, l'inéluctable réalisation de sa volonté et l'étendue de son pouvoir. Subhanallah. Ainsi donc, la royauté s'articule autour de trois points. Les attributs de cette royauté, c'est-à-dire ceux d'Allah, ce sont de majestueuses qualités. Le fait qu'Allah détienne le pouvoir absolu d'agir dans tous les univers et le fait que toutes les créatures soient sa propriété, ses esclaves. Allah est donc le roi auquel appartient le royaume céleste et terrestre, ainsi que les décisions qui s'y exécutent. Personne ne partage cela avec Allah, ni de près ni de loin. On passe au nom Al-Quddus Salam, le pur, autrement dit, celui à qui revient toute sainteté, Quddus, toute pureté, Tahara, et tout ce qui magnifie, celui qui est bien loin de tout défaut. Al-Quddus est donc relatif aux qualités de la majesté et au fait d'être saint de toute imperfection, tandis que Al-Salam concerne la deuxième notion. Allah est en fait saint de toute imperfection, de toute forme de défaut. Globalement, on déclare qu'Allah est loin de deux choses. On déclare qu'il est loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de sa perfection. Il détient en effet la perfection absolue dans toutes les qualités. On lui attribue donc la science parfaite et le pouvoir parfait. Tout comme on le déclare loin de tout ce qui est de tout ce qui contredit cela, tel que l'oubli et le manque d'attention, ou le fait qu'une particule aussi infime fût-elle puisse lui échapper dans les cieux ou sur terre. On le déclare loin de toute incapacité et de toute fatigue. On attribue à Allah la parfaite vie et la parfaite essentialité. On le déclare loin de tout ce qui contredirait cela, tel que la mort, l'assoupissement ou le sommeil. On attribue à Allah la justice et l'absolue suffisance. On le déclare loin d'être injuste ou d'avoir besoin de qui que ce soit, quelle que soit la situation. On attribue à Allah la sagesse et la miséricorde parfaite. On le déclare loin de tout ce qui va à l'encontre de ses qualités, telles que d'agir de manière absurde, sans véritable intérêt, ou de réaliser ou d'instaurer ce qui est incompatible avec la sagesse et la miséricorde. Et ainsi de suite, tous ces attributs sont exemptés de tout leur contraire. On déclare qu'Allah est loin de ressembler à une de ses créatures ou d'être égalé dans quelque domaine qu'il soit. En effet, toutes les créatures, aussi grandes et fières soient-elles, même si elles atteignent le relatif summum de l'importance et de la perfection qui leur conviennent, rien de tout cela ne pourrait s'approcher du Créateur ou lui ressembler. Toutes les qualités dont ces créatures jouissent s'effacent, même lorsqu'elles sont comparées à celles de leur concepteur. C'est d'ailleurs lui qui leur a accordé toutes ces qualités et cette perfection. C'est bien Allah qui leur a créé la faculté de raisonner, lui, la vue, les fonctions corporelles qui leur permettent d'agir, qu'elles soient visibles ou non. C'est encore lui qui a enseigné ou inspiré aux créatures ce qu'elles savent et qui a mené à bien la croissance de leurs organes externes et internes jusqu'à les faire parvenir à l'âge mûr. À part ce que tu nous as enseigné, nous ne savons rien, dirent les messagers et les anges. On lit également dans un hadith Qudsi qu'Allah a dit: mes esclaves, à part ceux que je guide, vous êtes tous perdus. Implorez-moi donc afin que je vous guide et je vous l'accorderai, mes esclaves. À part ceux que je nourris, vous êtes tous affamés, etc. Allah est donc loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de majesté, de grandeur et de perfection. Il est également loin d'avoir un semblable, un pareil, un quelconque égal. Tout cela est inclus dans son nom, Al-Quddus Salam. On passe maintenant au nom Al-Mu'min, celui qui affirme la véracité de ses prophètes. Le terme Iman a pour sens originel le fait d'affirmer que la personne dit vrai, de reconnaître et tout ce qui cela implique. Et tout ce que cela implique. À savoir montrer, témoigner de la véracité des gens qui disent la vérité et prouver cela par des arguments. Allah est donc celui qui a cet iman pour attribut, al-mu'min, tel qu'il s'est lui-même élogieusement qualifié. D'ailleurs, les noms et attributs qu'il a dévoilés à ses messagers et à ses esclaves, ainsi que les effets qui découlent de cette connaissance et qui donnent lieu aux plus importantes qualités qui caractérisent les élus, telles que le fait de connaître Allah et de croire en lui, tout cela, disais-je, est insignifiant en comparaison avec sa perfection absolue. Allah est tel qu'il s'est lui-même élogieusement qualifié et dépasse les éloges de ses esclaves lui adressent. Allah est également celui qui déclare que ses messagers disent la vérité. Il témoigne de cela à travers ses paroles, ses actes et son approbation. En effet, Allah informe que les envoyés disent vrai. Il a agi à plusieurs reprises en produisant des miracles, des signes de nombreux événements extraordinaires et d'autres démonstrations qui sont autant de témoins appuyant la vérité qui accompagnent ces messagers et qui permettent aux gens de savoir qu'ils ne mentent pas. Toutes les grandes interrogations, les grands sujets furent l'objet de nombreuses démonstrations élayées par des arguments avancés par Allah. Dit dans Sourate Fussilat, verset 53, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils leur apparaissent de manière claire que le Coran est vérité. Ainsi donc, la foi humaine liée à la notion de connaissance et l'amour est une qualité qui revient à Allah à plus forte raison. Au sujet de ce point important, contenons-nous de cette brève allusion pour commenter le terme al-mu'min. On passe maintenant au nom al-shahid, le témoin, al-muhaymin, le prédominant, al-muhit, celui qui englobe tout de sa connaissance. Ces noms signifient qu'Allah est omniscient, que sa science cerne absolument tout, le visible et le secret, le subtil et l'évident, le passé et le futur. Il entend tous les sons, qu'ils soient faibles ou clairement audibles. Il voit tout ce qui existe, du microscopique au gigantesque. Sa science, sa capacité, son pouvoir, le fait qu'il soit le premier et le dernier, le plus haut et le plus proche, tout cela cerne tout ce qui existe. Ainsi donc, rien ne lui fait obstacle. Le dessus ne camoufle pas le dessous, rien n'occulte par sa taille ce qui est plus petit. Ce qui est proche ne s'interpose pas entre lui et ce qui est plus éloigné. Rien n'échappe à sa science. Rien ne se soustrait à son pouvoir ni à sa souveraineté. Rien ne se dérobe de sa capacité ni à sa puissance. Rien ne se refuse à lui. Rien n'est trop pour lui. Allah a également consigné tous les actes accomplis par ses esclaves. Il en connaît les quantités ainsi que les proportions de leur récompense ou punition. Il les rétribuera conformément à sa sagesse, à ses qualités louables, à sa justice et à sa miséricorde. Ainsi donc, quelle que soit l'autorité et le pouvoir dont jouissent les rois et puissants, quelles que soient les proportions atteintes par leur despotisme et leur tyrannie, Allah veille. Il cerne leurs faits et gestes, subhanallah. Il observe cela et le consigne. Il sent à sa merci. Il n'échappe absolument pas à sa volonté ou à ses directives. Où veux-tu fuir quand c'est Allah qui te pourchasse, Point de refuge, tu es vaincu quoi que tu fasses. Ces trois noms sont donc relatifs à l'étendue de la science d'Allah, au fait qu'il cerne tout, à l'importance de sa royauté et de son pouvoir, au fait qu'il témoigne en faveur de ses esclaves ou contre eux selon leurs actes. Ces noms sont également relatifs à la rétribution, au fait qu'Allah soit le seul à décider du sort des gens, conformément aux lois de la prédestination, de la religion et de la rétribution. Et Allah sait mieux. Voilà, donc on s'arrête ici pour ce dimanche. Désolé si c'était un peu long. Et qu'Allah vous récompense ceux qui ont suivi jusqu'au bout. On se retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain pour la partie 3. N'hésitez pas à partager. Barakallahu fikum.